Ce soir, encore une fois encore, nous vous saluons. Et je salue tous ceux-là qui nous suivent sur Internet. Sans tarder, levons-nous afin de lire la parole de Dieu. Ésaïe 40. Isaïe 40. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, créez-lui que sa servitude est finie. Que son iniquité est expiée. Que la reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une fois cri, préparé au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez le lieu aride et une route pour notre Dieu. Tournons à Jérémie. Il y a Kwanza. Chapitre 1er. Kwanza 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Nous allons prier brièvement tous ensemble. Tu te demandes ce matin, nyumba baba ni nyumba ya maombi. Tena ni nyumba ya correction Seigneur. Njoko mara tunakuwa pake vitu kwa Mungu mzima pale kusema neno la Bwana. Tunakuita jwe Mungu mzima ushuke na utusaidie wakati mangaribi. Uko useme kwa nafsi yetu yenye kuchoka. Uko useme kwa nafsi yetu yenye kwa magonjwa. Uko useme mkamilifu Mungu mzima Dieu tutembe pamoja na Mungu. Utukubali Seigneur éternel. Utubariki mkombozi na Mungu wangu Dieu. Paka bila ulisema ndani la Bwana. Abariki wale kana soma na bale batashikia na bale batatumikia leo kwa Bwana. C'est pourquoi tu nakomba Mungu mzima baraka yote mtakatifu. Ile kina sindikiza Seigneur ineno baba. Ikuwe mtakatifu katikati yetu Bwana. Oh Dieu éternel, je crois de tout puissant Seigneur que tu vas encore nous parler encore ce soir. Oh Dieu, sois toujours avec nous. Commence avec nous et termine avec nous. Dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout est naturel. Nous pouvons nous asseoir. Il est mouille écriture. Cette écriture, mouille indique. Il est minachimé, mouille appelé aux Aïdis. Ce sur quoi je me tiens aujourd'hui. Ni à Moudouz, Jérémie 12. 1-12. Jérémie à Moudja Kouminambili. Éternel me dit, tu as bien vu. Car je vais sur ma parole pour l'exécuter. Neno, la parole, ni mawazo yekusemwa. C'est une pensée exprimée. Kilo di waza, ce à quoi tu as pensé, kilo nasema. C'est ce que tu exprimes. Na uko nasema, et tu pars kupitia ali ya roho yako, au travers de l'état de ton cœur. Na mtu mwenye kushimama mzuri, et quelqu'un qui se tient correctement, qui a une bonne position, l'homme intègre, mtu mwenye kunyoloka, un homme juste, mtu mwenye haki, un homme honnête, mtu wa mwema, ekoneshimiaka masemo yake, il respecte ses paroles. Ana wekupepuka mumisemo yake, il n'est pas ballotté par rapport à toutes ses paroles. Ana léger, ana mupepelo. Jo mtu mwenye kushimama mzuri. C'est voilà un homme qui est intègre. Mukristo bia kweli. Un véritable chrétien. Anashimamiaka pa masemo alisema. Se tient sur les paroles qu'il a dites. Atakama mambo inamufikia. Peu importe les problèmes qui surgissent. Ile mambo itabangukia yeye. Les problèmes vont tomber sur lui. Atasema ilikuwa ya haki. Il dira que c'était juste. Il va dire ce qui est juste. Jo mtu mwenye kunyoloka. Voilà un homme intègre. Mukristo bia kweli. Un véritable chrétien. Frère. D'où? Atakama mambo inakuangukia. Même si le problème tombe sur toi. Utasema kile uiko. Tu vas dire ce que tu es. Utetika nkosa yako. Tu vas accepter ta faute. Utetika ali yako. Tu vas accepter ton état. Jo muntu abia kweli. Voilà un homme intègre. Mina kumbuka siku moja. Je me rappelle un jour. Frabanam. Ndoko Branham. Il avait été vraiment oppressé par rapport au problème des impôts. Et ce magistrat-là l'avait appelé, disant, il dit, dites-lui que je ne suis pas là. Ça, c'est la première chose. On le ressonne. Son enfant va répondre. Et dois-je dire que tu n'es pas là? Église de Dieu. Maintenant, lorsque on a amené à lui un malade, le Saint-Esprit lui a dit, hypocrite, munafiki, qu'est-ce que tu viens de faire? Frère, donc, à cet même instant, il a mis du carburant dans son véhicule. Il a fait 300 km. Pour aller voir le magistrat. Et lui dire le mensonge qu'il a utilisé. Et ce magistrat lui a dit, à partir de maintenant, j'ai encore plus confiance en toi. Ce qui te donne de la valeur, ce sont tes paroles. Laisse-moi t'aider. Ça massa ya mingi. La plupart du quand mambo natufikia, on a un problème sur le nous avons toujours l'intention de jeter la faute sur les autres et se justifier que Dieu s'habille à qui. Comme si tu n'es pas dans la faute. Ali mubaya ya nafsi. C'est un mauvais état. Roho yako ina bien. Ton esprit n'est pas bon. Mukito bia kweri. Un chrétien véritable. Utasema, tu diras. Ni bia kweri ndugu yangu. C'est vrai mon frère. Midi kulanda. Je t'ai trouvé. Midi sema hivi. J'ai dit ceci. Mukristo. Un chrétien. Un homme de parole. Mutu wa Shimamie mbele pale. Tiens-toi d'abord là. Mukito bia kweri. Un véritable chrétien. Anashimamie ke sauti ile alisema. Il se tient sur la parole qu'il a prononcée. Tu es nini? Quoi? Jo ali ya baba yake. C'est ça l'état de son père. Un méchant. Il rejette ce qu'il a dit. Il a sa conscience qui n'a pas été fait. Alors que Zamir Yake lui dit, c'est vrai, c'est ça. Tu es au téléphone, on t'appelle. Tu as le téléphone. On t'appelle pour par ton créancier. Où est-ce que tu es? Tu commences à dire, non, je suis à Lubumbashi alors que tu es ici à Kambo. Bongo na pa phone. Tu es en train de mentir même au téléphone. Alikanine mubai kwa. C'est quel mauvais état. Sema ile vile wiko. Ce que tu dis, ce que tu es. Mundu mubaya. Kama kuna mambo na mundu. Anakimbiaka. Il s'en fout. Mais mundu wa bien. Mais un homme intègre. Anenda kololo lumunya kona le mambo. Il va voir l'homme avec qui il a un problème. Comme mina kosa. Si je faute. Ni bia kweri. C'est vrai. Mina mitana ku kosa. Je peux fauter. Mitenda kulomba buruma. Je vais aller demander pardon. David disait, même si tu venais là, même si tu me sondais, tu me sens de véritablement, tu verras que dans mon cœur, il n'y a rien de mauvais. C'est vrai. Kwanza, la première chose, il était en train de fauter comme nous. Il a fait des fautes. Mais il reconnaissait ses fautes. Et il se répandait. Voilà pourquoi il n'y avait rien dedans. Ne garde pas le péché comme si tu faisais un stock de maïs. Ça va t'aider en quoi? Tu ne sauras pas bien marcher. Un chrétien véritable. Frère. Doku. Si tu me vois dans la faute, ne dis pas que ça, c'est un serviteur. Si tu me vois dans viens me voir. Nous parlons. Celui qui montre à l'autre c'est le véritable amour. Si on te montre ta foi, si on dit là, je n'ai pas bien marché. Dieu, tu m'as vu. Tu as envoyé ton enfant. Ça, c'est un bon état. Frère, je ne me Jésus, pas. Votre frère. Je n'irai pas au ciel. Parce que je suis serviteur de Dieu. Je suis un humain. J'ai des fautes comme vous. Si vous me voyez, venez me voir. Ça, c'est l'amour que tu vas me donner. Si quelqu'un t'aime, ce n'est pas un flatteur. Apana. Mundu kama na kupenda. Si quelqu'un t'aime, il te montrera ta faute. Apa mina shika bien. Là, je me sens très bien. Apa mina obili muzuri. Là, j'ai bien prêché. Mes frères et sœurs, mundu wa bien. C'est celui qui te montre sa ta faute. Mundu kangu na nipenda sana. Non, tu dis, mon frère, tu me marches. Parce que tout le monde s'affaire. Nous allons chez nous. Dans peu de temps. Dans peu de temps. Nous allons abandonner ce monde. Nous sommes des pèlerins, mes frères. Nous avons un chez nous. Mettez ceci dans votre cœur tous les jours de votre vie. Que ce monde n'est pas chez nous. Les propriétaires de ce monde ils font tout ce qui est du monde. Tout ce qui les plaît à faire. Parce que c'est chez eux. Mais nous, chez nous c'est au ciel. Je vous dis ceci. Tous ceux-là qui étaient à l'éternité, qui ont piétiné sous la terre, nous retournons à l'éternité. Ce n'est pas très loin. Vie éternelle. La vie est éternelle. Il est éternité. À ceux qui étaient moumilele. Ce n'est pas à tout le monde. C'est pourquoi on peut dire. Donc on sur cette terre. Il y a deux sortes de personnes. Il y a les enfants de Dieu. Il y a les enfants du diable. Mais Dieu pour couvrir. Il envoie sa parole. Et la Bible ne sait pas. Mes brebis entendent ma parole. Et me suivent. Ils savent, ils connaissent ma parole. Et je dis la vérité. J'ai fait beaucoup de jours au Congo. Le jour où j'irai. Même si je suis à l'extérieur. Si on m'appelle voisin, comment? Mes enfants, dès qu'ils m'entendent, les enfants vont dire, papa n'a couya. Papa vient d'arriver. Ils connaissent bien ma voix. Et c'est pour ça que les enfants connaissent aussi la parole de leur père. Et ils recherchent la volonté de Dieu à chaque moment. Un homme honnête. Un homme intègre. Un homme sincère. Muntu a qui? Et qu'on avait sur sa parole. Et qu'on a quelque sur sa parole. Apparemment, au vieux. Ne parle pas en l'air. Bible dans la Bible dit. Soyez là à parler. Prompt à écouter. Mukusema mingi. On t'a dit que ton là. Tu vas fauter. Là, comment on a fait Roussema? Et si tu veux pas. C'est ma ce qui est juste. Dis où il y a quoi qui a acquis. Jovile. C'est ça. J'ai été repartir valeur. C'est ça qui va te donner BI. C'est où il monte, où? Celui-là. Frère, comment on a coulé à l'acquis? Non, s'il te promet. A tu coulé à s'il te promet. A ta timide ce qu'il a l'acquis. Il va accomplir ce qu'il a promis. Si tu ne parviens pas ça veut à accomplir à tu et tu ne connais pas ce qui est le lendemain, celui qui connaît le lendemain c'est Dieu. Ça veut dire à ce moment là tu vas retourner mon frère. J'étais promis mon frère. J'ai dit ceci, pardonne-moi, accorde-moi encore une autre chance. Tu reviens sur tes paroles. Légèreté n'a quoi qu'à Zaïdi. Ah, vous pépez le tout, c'est. Ni Mukusema. Dans la parole. Dada. Un enfant te fait beaucoup de bruit. Tu veux aller au Moulaka. Alors tu lui promets. Je vais au papa, Massé, papa, je vais au Massé. En tout cas, quand je vais au Massé, je vais te ramener des bébés. L'enfant reste sur tes paroles et saisis. Maman m'a promis. Maman m'a promis. Maman m'a promis. Papa m'a promis. Papa m'a promis. L'enfant va rester avec ces paroles-là. Mais comme on a couillé. Mais si tu veux, on a mon petit, tu lui donnes. Quand est-ce qu'elle vient? Il est content. Mais comment on a couillé? Mais si tu revenais, maman qui tombe là? Maman le veille. Eh, Anini ne veut pas toi aussi, attends le foufou. Tu n'as pas carré. Attends le foufou. Quand tu as quoi engraissé? Quand tu regardes, maman nous a bongo. Maman est menteuse. Attends, on a imba mimbo. Peu importe combien. Attends, la foi n'a pas été. Peu importe. Maman nous a bongo. Maman est menteuse. Pas toi, tu vas savoir que. Les enfants n'oublient pas. Quand tu vas dire la bamba pas fini. Ça va garder, il va garder ça. Mundo va rochimier sa outi maisha yako. Quelqu'un pour qu'il puisse bien. Pour qu'il puisse bien. Mais sa outi yako. Dieu t'a rochimier. Il va te faire que tu puisses être respecté. Parce que tu te déclares en désordre. Mes frères, je vous dis. Faites attention à ce que vous dites. Ne parlez pas en l'air. De notre bouche. Nous commettons beaucoup de fautes. Et ça, c'est vrai. Chunga papa, Non, attends papa, Chunga tu. Attends. À part la courir, je vais venir. T'as roulé suite. Je vais te donner un. Anabambira pas suite. Il tient là. Attends, bambira pas yo yo. Il va se tenir sur le yo. Anabambira pas capable. Maman t'arrête à yo yo. Maman t'arrête à yo yo. Yo yo yango. Mon yo yo. Mais pas on a courir. Quand tu reviens. On va prendre la manson, mais la manson, mais la manson. Tu viens de manioc, Maman yo yo yango. Maman où est mon yo yo? Attends, chérie, qui il va se mettre en faute. Jo Munyumba. Et alors, Aliwama. Aliwama. Aliwama. Et... Tu y mets, t'as la couille. Chantons, il va refuser de chanter. Muntuni Masauti. L'homme se tient à ses paroles. Muntuni, il est dans ses mains. L'homme, c'est ce qu'il dit. Comment tu le sais, Dieu, tout homme sera reconnu pour menteur. Comment nous disons que Muntu Ota Onekanesa Wabongo. Mungu Peke Wakweri. Que Dieu seul soit reconnu. Bible ne sait même pas. Je veille sur ma parole. Niko Nakesha Yulu Yakesha. Il veille. Il n'y a pas un seul signe. Malako, où Dieu a donné la promesse. Il a manqué de la accomplie. Jamais. Et il ne l'a jamais fait. Amen. Amen. Dieu, quand il a promis quelque chose, il a promis une fois pour toutes. Église de Dieu. Vous devez connaître qui est-ce que vous avez appelé. Qui est-ce qui vous a appelé. Il veille sur sa parole. Et qu'on a quelque chose, il lui a donné. Et qu'on a quelque chose, il lui a donné. Veille sur sa parole. Comment la sème? S'il dit quelque chose. Cette promesse est pour vous. Il aime. Il est pour vous enfants. Il est nous. C'est lui qui l'a promis. Vous. Et vos enfants. C'est la vérité. Il va accomplir. Comme on a si tu marches, mon kuti. Comme on si jusqu'aujourd'hui. Rome n'y est pas. Il ne ça demande que tu ne marches pas correctement. Tu ne vas jamais le calomnier. La faute est de notre côté. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un agent éprouvé. Sur la terre creusée. Et sept fois épuré. Nikusema. Ça veut dire. Ou te pindula mon façon yote. Tu vas retourner ça dans tous les sens. Tu ne verras aucune faute. Maman. En Dieu. Amen. Il n'y a pas de faute. Ne chie. C'est nous. Qui venons. Namanko ça est tout. Avec des nôtres. Que Mungu atufundishe manja yake. Que Dieu nous enseigne ses voies à lui. Manje yako. Tes voix. Na mawazo yako. Tes pensées. Aita kusaidia mu safari. Ne peuvent pas t'aider dans ce voyage. Mina kwambia bia kweli. Je te dis la vérité. Mu safari. Dans ce voyage. Acha mawazo yako. Arrête avec tes pensées. Arrête avec ton intelligence. Na volonté yako pale kutumikisha. Même ma pensée yako ne Mina kwambia bia kweli. Ça c'est la vérité que je te dis. Job anasema. C'est Job. Je fais plier ma parole, ma volonté aux paroles de ta bouche. Miko natiisha mapenzi yangu kwa maneno ya kinywa chako. Ni kusema volonté ya Job. C'est-à-dire la mapenzi ya Il le fait plier à la parole de Dieu. C'est ce que tu dois faire. Les choses seront très faciles pour toi. Si tu commences à te tirer ailleurs, c'est toi qui vas souffrir. Mais si tu t'es abandonné dans tes mains de Dieu, Dieu va t'aider. Amen. Ma saouti. Ces paroles. Nous avons déjà beaucoup parlé, mais en l'air. Vous voyez, quand quelqu'un est autour, même quand tu commences à promettre. C'est quoi tout ce que tu dis là, tu ne l'accompliras jamais. Papa. Grand frère, puisses-tu m'envoyer de l'argent? Il est 15. Quand il est encore le 15, bien. Tu es bon. Quand on commence à attendre, a changé mal à moi. Allez, l'intelligence, la réponse. S'il faut refuser, tu ne commences pas à refuser quand on t'a parlé. Si tu as refusé, tu n'as pas péché. Mais tu es méchant. Parce que si quelqu'un qui te demande, tu peux l'aider. Tu as la possibilité que j'avais. Non, je vais te donner autant. Toi aussi, cherche le reste. Quand on a fait ça, tu fais la macuta. S'il arrive au moment de la paix, allez, tu changes d'idée. Oh, non, j'avais des dettes. Comment il va te prendre? Fais sur tes paroles. Au ciel, on nous montre comme ça. Frère, nous sommes des gens qui partons. Nous sommes des gens qui représentons le les ciel. Les hommes honnêtes. Des véritables. Que Dieu nous aide, Église. Ça, c'est la vérité. C'est ce que les gens n'aiment pas. Dire la vérité. Non, ils n'aiment pas. Ils aiment bien que vous arriviez ici. Vous dansez, vous chantez. Oh, il y a fait de l'ambiance. Ça, c'est la véritable ambiance. C'est ça la véritable ambiance. Tu t'en sors avec quelque chose de juste dans ta vie. Même quand il faut que tu aies tu penses, tu médites. Ma acte et tout. Nos actes à nous. Ils connaissent ma bien. Parle bien. Que Dieu nous bénisse. Il va bien. Il est bon. Là, nous allons y retourner. C'est là qu'il y a la maladie des gens. La langue. C'est là qu'il y a le problème. Ce n'est pas autre chose là qui va te retenir ici. Ta manière de parler là. En ce qui concerne la langue, nous allons y retourner. Nous allons nous y mettre. Pour que chacun puisse avoir une bonne position. Hier, je vous ai dit, avec un cœur pur, on comprend toutes choses de la bonne manière. Même quand quelqu'un te dit, mais il te parle à ta prédication, même la prédication, tu vas bien la comprendre. Tout, tu vas bien comprendre. Si ton cœur est bon, s'il est mauvais, tu vas commencer à penser toujours à des mauvaises choses. Lisons d'abord ceci. Proverbe. Mes alliés. Proverbe 15. Mes alliés, comme il attend. Troisième 13. Comme il attend tout. Un cœur joyeux rend le visage serein. Moyo ya yenye kufurahia na uso yenyewe inakuwa kama mzuri ya kufunguka sana. Mais quand le cœur est triste, lakini wakati moyo iko na huzuni, l'esprit est abattu. Na roho yenyewe inalekea. Comme on a fait quoi muntu? Si tu vas chez quelqu'un, on en sur la gueule kufunga. Tu vois que son visage est enfermé. C'est la même chose qu'avec son cœur. Tu vas chez quelqu'un. Un visage renfermé. C'est ce qu'il est même dans son cœur. À ta présence, ça veut dire même web wako. Il n'est pas gênant. Commence à le gêner, qu'on a muzuia. C'est ça. Amen. Il a quoi dire? C'est la vérité. Amen. Si je regarde le visage de mon frère, je le verrai qu'il a de la joie. Triste, si muzuni, je le verrai. Si il a faim, vous allez le regarder sur le visage disant il a faim. Si il est endeuillé, tu verras qu'au visage, le visage démontre ce qu'il y a dans le cœur. Amen. Tu vas bien parler. C'est pourquoi comme on est quoi muntu. Si tu vas sous la question kufunga. Avec un visage renfermé. Même son bougari il va te le donner d'un mauvais cœur. Malgré lui. Il va te donner pas qu'à vilé. Je file. C'est ça. Amen. Je file. C'est ça. Amen. Ça mubase metako nanda kuchakula. Oh, tu commences à faire un choix parmi tes beaux frères. Oui, mina mupendaka. Celui-là je l'aime. Oui, apana. Celui-là non. Mukristo chakula yake. Le chrétien ne fait pas de choix. Yeah, mukristo ya kweli. Le chrétien véritable. Anapendaka ta bandu yake. Il aime même ses ennemis. Attention dada. Attends au empoisonné. Empoisonné. Allez tout bien, apana. Où le meilleur conseil en a bien. Celui qui te non, on risque de conseil quoi, on a bien. Si tu es en train de te faire conseiller. Mukristo ya kweli. Un véritable chrétien. Attaque la muntu. Va vivre avec. Attaque le caractère difficile. Peu importe la difficulté de son caractère. C'est ça. Amen. Tu sais mon peuple. Je ne parle pas en l'air. Elle est mon peuple. Ce n'est pas en l'air. Mundo a bien. Un bon homme. Wa query. Il y a un véritable. Attends mundo un caractère difficile. Même quand c'est quelqu'un qui a un caractère difficile. Attends comment gérer. Il saura comment comment gérer. Mambo ku parler. Le problème. Ou mambie qui le wa wiko. Dis-lui ce que tu es. Apana toi hypocrite. Ne sois pas wa munafiki wa mauso mbili. Hypocrite. Uko donner je furai ulu inje. Tu montres de la joie à l'extérieur. Mais ndani ya muna bien. Mais à l'intérieur il y a rien. Ali mubaya sana. Non, ça, c'est un mauvais état. C'est vraiment un mauvais état. Dis ce qu'il y a dans ton cœur. Que ça te laisse libre. Tu ne vas pas souffrir. Si tu donnes à quelqu'un la parole, même s'il saute, il va revenir dans la parole. Ne lui montre pas, ne lui dis pas de tes choses. Non, je lui ai dit, ma ukweli ine. Et maintenant, tes quatre vérités l'ont énervé. Non. Il ne va pas avoir un bon état. La paix ne va pas avoir lieu. Mais nous, nous recherchons la paix. Nous recherchons, nous voulons aller chez nous. Nous nous préparons pour aller en tout. Amen. Il ne s'agit pas d'avoir des problèmes avec les gens. Apana. Non. Non, non, tu ne dois pas avoir des problèmes. Mande tu neno. Tu neno, amuna nkosa. Dans la parole, il n'y a pas de faute. Kama na mwonesha byako. Si tu lui donnes tes affaires, vous allez encore vous mettre en foi dans les querelles. Ata Mungu mwenyewe. Et même Dieu. Apparemment, je vais sur ma parole pour les écouter. Il dit, mina kesha il est un homme de pitié. Si même dans ta prière, tu es en train de saisir Dieu à ses paroles, ah, tu vas vraiment le ramener jusqu'à te répondre. Et de lui, il va te demander que tu sois dans les conditions qu'il cherche lui. Dieu. Tu as des péchés. Seigneur, tu avais dit. Mais n'est-ce pas que tu as déjà fauté? Comment d'abord par arranger les choses? Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demandent et t'enfouent, demandez ce que vous voudrez. Vous chemez mes panneaux, non? Tenez-vous d'abord. Commencez d'abord par la parole. Alors, là, tu vas saisir Dieu. Dieu, tu avais dit ceci. Il va répondre. La malombe, et la prière ne sera même pas longue. Elle sera suffisante. Le problème, c'est arrangeons les choses. Saisissons les paroles. Et alors, là, notre vie soit conforme à la parole. Alors là, tu verras la grâce de Dieu. La grâce qui vient de Dieu. Qui vient de lui. Et la véritable grâce nous enseigne comment marcher. La grâce, ce n'est pas la distance. Nous enseigne comment abandonner tout le mal. Ah oui, tu ne peux pas être dans le mal. Comme et dire, je suis dans le mal. C'est toi qui as fauté. Église de Dieu, c'est le temps de Kurita Erisha. Mettons les choses correctement. Que toutes nos affaires soient pures. Que ce soit conforme à la parole de Dieu. Tu vas expérimenter Dieu en tout. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous sanctifier. Frère, comme moi, une fois que j'avais dit, Jésus lui-même en train de me sanctifie moi-même pour eux. Le Saint des Saints. Le Saint des Saints. Le Saint des Saints. Lui, je me sanctifie moi-même pour eux. Et toi, le pécheur, tu es en train de boire l'iniquité contre nous. Sanctification, et quelle doit être ta sanctification, frère? Tout ce monde ici, ils sont en train de nous voir. Ils vous regardent. Vous tous qui entrez, là on prêche la vie. Ils sont maintenant en train de regarder vos yeux. Ils ne sont pas distraits par vous. C'est toi qui t'as mis. Le diable ne s'amuse pas. Ils te regardent. Dans tes paroles, dans tes actions, dans tes gestes, ils nous suivent dans tout. Ça, c'est la vérité. Ils nous suivent correctement. Maintenant, vous, quand vous venez, vous regardez aux serviteurs de Dieu. N'est-ce pas? C'est eux qui sont notre modèle. Et ils suivent Christ. Nous les suivons aussi. Nous les suivons. C'est parce qu'il garde la parole. C'est pourquoi, mes frères, comme Yamungu, je vous donnerai des bergers. Selon mon cœur. Libérez mon cœur. C'est ceux-là que Dieu a dit. Il n'en arrêtera pas. Il est laissé tel quel. Pour votre bien. Église de Dieu. Nous sommes un peuple à part. Voilà pourquoi, mon frère, que Dieu nous aide. À chaque fois, notre Dieu avait une pensée. Il l'a exprimée. Kumwanzo, au commencement, Mumilele, dans l'éternité, alors la pensée à qui? Il avait sa pensée. Na ile pensée. Et cette pensée? Alisema. Il l'a exprimé. Na ile talanda kusema sasa neno. Et quand il a parole, il a parlé. Tu peux terminer encore mon existence. Alors tout a existé. C'est pourquoi la Bible dit. Donc, comment la Bible est nasema? Au commencement. Kumwanzo. Dieu créa. Mungu aliumba. Jo ile sasa inaanza. C'est à ce moment-là que le temps a commencé. Que Dieu vous bénisse. C'est à ce moment-là que le temps a commencé. Et Dieu, il travaille avec le temps. C'est pourquoi, mes frères, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque semaine, chaque mois, chaque année, nous rapproche à ce que Dieu a déjà promis. Si le temps passe, ça nous rapproche de la date que Dieu a déjà fixée pour nous, pour mourir. Le jour que toi et moi nous connaissons, qui marchons, qui nous déplaçons comme un poisson dans l'eau. Vous voyez quand le poisson dans l'eau, il ne sait pas quand est-ce qu'on va jeter le filet. Toi et moi, quand Dieu te donne un jour, tu dois le gérer pour la gloire de Dieu. Si tu ne connais pas le jour, il te faut être en état d'urgence. Tu ne connais pas le jour. Moi non plus, je ne connais pas le jour. Ça viendra au moment où Dieu veut. Moi je dis toujours, je prêche comme ceci. Si le frère est mort, ce n'est pas la maladie qui l'a tué, c'est le temps qui l'a tué. Oui. Quand le temps arrive, tu ne vas pas aller au-delà. Tu peux connaître un accident. Il a tourné 5 fois. Le véhicule tourne 5 fois. Tu en sors indemne. C'est juste une petite égratignure. Ce n'est pas la malice. C'est le temps qui n'est pas encore compris. Le moment qui sera compris. Tu te diras, ah, je suis fatigué. Bon, je me repose un peu. Hein. Bon, vous allez me réveiller. Quand tu arrives sur le lit, réveillez votre papa qui me vient. Papa! Papa! Papa! Papa! Papa! Papa! Papa! Papa! Papa est parti. Ça, il est né. Le réveil. Tu ne vas pas faire la malice. Quand Dieu te donne du temps, c'est le moment d'arranger ta vie. C'est le moment de ranger tout ce que tu veux. Tu ne connais pas quel est le moment. Ça, c'est un mystère entre les mains de Dieu lui-même. C'est aujourd'hui qu'il nous appartient. Demain appartient à Dieu et lui seul. Église de Dieu, nous devons être dans un grand état de sanctification. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu à ce moment. Parce que nous sommes entre les mains de Dieu. Ah, tu ne connais pas le jour. Ah, nous ne connaissons pas le jour. De même que nous ne connaissons pas le jour. De même nous ne connaissons pas le jour de préparation notre mort. Notre préparation. C'est tous les jours. Si nous venons. Tu dis Dieu. Aide-moi là où je ne réussis pas. Aide-moi là où je n'accomplis pas. Que je sois prêt. Il est ça, c'est la vérité. Il est le de partir. Ça, ça doit nous donner. Allez-moi, un bon état. Il est là, il est. Et l'état dans lequel nous nous retrouvons maintenant. Tout nous disons même. La nuit est faite pour dormir. Oh, quand tu dors. Ni pas jusqu'au le matin. Tu ne comprends pas. Ah oui, elle est qui tout. Ah oui, elle est qui ne t'attache pas encore compris. Les élus de Dieu. Il y a même personne pour te réveiller. Regarde. Moi, je dis toujours. Comment on a tenu qu'un san? Si tu travailles beaucoup, tu n'as choqué. N'est-ce pas que tu es fatigué? On a jima san. Tu es beaucoup dans la san. Tu vas beaucoup dormir. Où t'as la mouka? Tu vas pas te réveiller. Tu vas te réveiller. Il est en train de crier à Dieu. la nuit, na jua, comme le jour, ukuna lamika, il crie à Dieu. C'est ça qui me fait prier. Ni hapa. C'est ici. Je crois que tu cries beaucoup. Comba kwako. Ni kama batimisha Mungu anasema. Tu funge, ndio nafunga. Je non, et alors là tu jeûnes. Akona ta conduite yako tuwe mwenyewe tu. Pas ta propre conduite à toi. Kintu kinakubamba kuro sana. Quelque chose te saisit. Mungu nisaidie kuifashi. Dieu aide-moi à ceci. Una shiura shina bana vingine. Tu arrêtes même sur certaines histoires. Una mwacha bana kwa. Tu dis même à ton mari. I'm sorry. Non non, mina. Hapo nyeche mbele niombe Mungu. D'abord prier Dieu. Niko na kintu kinanyangaisha roho yangu. Moi il y a quelque chose qui me préoccupe sur le cœur. Apana ta kimoyo. Rien. Ile wena kuangachaka sana. Toi c'est que tu te préoccupes. Du kombe binanisha. Oh mais les pagnes. Eh kilete binanyalabika. Toi mjo kilio chako pakatile. Sasa tabrita. Au tawezi kumlilia Mungu. Tu ne peux jamais crier à Dieu. Mungu nisaidie. Dieu aide-moi. Unitakase. Ah, sanctifie-moi. Nous arrivons au roi yako ingwe ndani. Que je puisse vraiment me rapprocher de toi. Saisha kwenda. L'heure est avancée. L'heure est avancée, mon frère. Vous changez ce côté la machine qui est nous. Ne n'ajoutez pas vos propres jours. Saisha kwenda. L'heure est avancée. Nous ne connaissons pas le jour, l'heure ni le jour. Tu n'as quoi distrait? Nous sommes distraits. Tu n'as l'engama. Tu n'as toi qui ne pas obtenu biko inutile. Nous courons derrière les choses bien sûr, ma femme. Mais quelle azima zaidi? Mais l'essentiel. Comment la neno? Si tu entends la parole de Dieu. Pas capable de chiquer neno. Là où tu as entendu la parole. Bambia pas capable de mourir. Saisis là. Kufwanaye omba Mungu akusaidie mwile kitu unasikia leo. Dieu, dans ce que tu as entendu aujourd'hui. Omba Mungu. Prie Dieu. Na Mungu atakusaidia. Et Dieu va t'aider. Notre Dieu. Mungu wetu. Il est fidèle. Et comme moi. Aina sa wewe. Il n'est pas comme toi. Aina sa mimi. Il n'est pas comme moi. Tunasema kitu. Nous disons quelque chose. Changer. Et puis nous changeons. Yeye. Lui là. Et que le chemin sa outil yake. Il respecte sa parole. Et cette Bible mes frères. Na hii Biblia ndugu. Ni mawazo yake. C'est sa pensée. Et Bible. Cette Bible. Ni neno lake. C'est sa parole. Nous ça veut dire Dieu sous forme des écritures. Mungu mnamna ya miandiko. Bila ndio tu komu. Tout ce qui est Dieu à Mungu. Et suffisant pour Dieu. Ma conseil à lui yote yote. Ses conseils à lui. Il komu. Se trouve ici. Ma conseil à lui yote. Tous ses conseils. Il komu. Sont consignés là-dedans. Mungu tubariki. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi mes frères. Je crois maintenant bandu. Mungu atusaidi. Dieu nous aide. Tout à fait. Nous allons arriver. Je ne l'ai pas dit. Ce n'est pas Dieu qui nous dit. Ce c'est lui qui est le qui a promis. Je sais. Mina moi, je sais. C'est lui qui a commencé. C'est celui-là qui va terminer. Le problème, c'est que Dieu commence l'œuvre. Et tu verras toi-même comment Dieu sera en train de croître. Tu vas voir comment tu viens en train de croître. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est allé dans quoi? Quand il était né. Balanda kumona alanda kumena alanda kuwatra alanda kumeya. On le voyait croître. Na wake mucha usali kwa. Donc si tu verras comment tu es en train de croître. Aïe les bintu batanda kufasiria. On ne va pas commencer à t'expliquer. Les bintu vont expérimenter mon mignon. Même qui expérimentera les choses. C'est pourquoi mes frères. Je commande à la parole des promesses. Neno ya malaka. Tu n'as pas besoin d'expérimenter. Nous devons l'expérimenter. Comme mon malaka. Si tu as promis. Tu fais expérimenter les bintu. Que nous puissions faire l'expérience de ces choses. Et il y a la parole prophétique. Na kupo neno ya unani. Et la parole prophétique. Tu connais les bintu. Nous voyons comment tu es en train de coutumiser les choses. Ce n'est pas même quand nous regardons comment le monde vaut, les choses se passent. Nous disons véritablement. Si même les païens, les qui ne connaissent même pas Dieu, ils disent que ce sont les temps des païens. Et vous alors? Avec la parole de Dieu, vous regardez la parole prophétique qui est en train de nous couvrir. Nous voyons correctement les choses. Daniel. Danieli. Ces paroles ne peuvent pas faillir. Ça ne pourra jamais faillir. La première année de Darius, fils de Cyrus. Chapitre 1. Daniel 9, 1. Daniel et Tissa Moja. La première année de Darius, fils de Cyrus. Darius, de la reine de Médès. Médès. Lequel était devenu roi du royaume de Chaldéens. Ou la recueille à Moufan, mais au Chaldéens. La première année de ce règne. Moi, Daniel. Écoute, mon frère. Moi, Daniel. J'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Ça chiquille. Maintenant, écoutez. Moi, j'ai tourné ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière, à aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui fais cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent les commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, Banabi, qui ont parlé en ton nom, yako, à nos rois, à nos chefs, na kubashefu yetu, à nos pères, baba yetu, et à tous les peuples na du pays. Yote ya inchi. Frère, regarde ce qu'il était, comment il était en train de parler. Il a reconnu que ça, ça a il a reconnu que le temps était déjà révolu. Frère, dada yangu mupendo, ma soeur bien-aimée. Aina disi apana. Ce n'est pas une histoire. C'est la vérité. Regardez même au télévision que vous avez. Regardez ce qui se passe. Regardez l'état du monde. Le temps de Sodome et Gomorrhe est devant nous. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Si vous voyez ces choses, que vos cœurs regardent du tout, l'église de Dieu, le temps est déjà passé. Il est plus tard que vous ne le pensez. Le temps est déjà passé. Que nos cœurs se lèvent et regardons aux promesses de Dieu. Regardons à ce que Dieu a déjà dit. C'est le temps de chercher Biakmafa. C'est ça qui est essentiel. C'est ça que nous avons oublié. Nous avons oublié l'essentiel. Nous avons commencé à faire ce que nous voulons. Église de Dieu. Regardez l'homme de Dieu. Il a commencé. Il a reconnu que nous avons fauté. Nous avons péché. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Ce qu'ils étaient en train de dire. La Bible dit. Nous avons lu avec vous. Je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Et tout ce que nous disons, ça nous appartient. C'est la parole de Dieu. Si ce n'est pas à nous, et vous voyez que ce n'est pas la parole. Ah, non, non, mettez la parole, saisissez-la. Le temps n'est plus avec nous. Ça, le temps est déjà évolu, l'église de Dieu. Nous sommes arrivés à la pente. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Chacun doit se réveiller. Chacun doit regarder là où il a fauté. Aujourd'hui, que ton beau-père, si ton épouse s'en va chez eux, il commence à parler. Mon enfant, regarde, je commence même à dire, dis n'est-ce pas à ton mari, le reste de d'argent, mais qui me le donne, non? Tu es encore endetté dans ta belle famille jusqu'aujourd'hui et tu circules avec. La dette d'autrui. Tu vas aussi au service. Quand tu manges avec les dettes. Et la femme quand même si elle saute dans l'église. Jésus. Tu sautes. Endetté. Dis à ton mari de terminer cette dette-là, non? Dis-le-lui. Le temps est déjà révolu. Mon frère bien-aimé, il est endetté de chaque. Va terminer. Va donner. Va terminer. Il s'écoute tout. Que cette dette la terre. Il est va te donner même quand tu arrives. Voilà le beau-père qui est arrivé. En Afrique, le gendre qui est arrivé. Le gendre, il a déjà tout terminé. Mais où comprendre toi jusqu'aujourd'hui, tu es endetté. une femme à crédit. Baba kupachiakai. Quand tu entends, baba kumbe. Une fois qu'on t'a dit non, depuis qu'on te l'a donné, là, tu es resté. Mais quoi, ça devient ton enfant. Ouais, c'est toi qui l'as mis au monde. Et d'ailleurs, on t'avait demandé des paix. Quand tu regardes les d'autres qu'on donnait, ouais, dans la Bible, les de Jésus, on a mis même les sang de Jésus, il y a eu le bon. Paye. Regarde, va seulement payer. A pas d'explication. N'explique pas. Paye. On a raté la grippe. Tu refuses de payer. Mais nous avons l'agenda. Mais tu continues à construire. Nous avons tu achètes tout. Mais il est qui l'a coupé pour le Congo. Le peu là pour aller donner, tu sais, c'est difficile. Il n'a pas dit. Et toi aussi, ça aussi, on me l'a dit. Moi, l'a dit. C'est Dieu qui me l'a dit. Libre les paye cette tête là. Que tu sois libre. Et quoi bien ça. Ça sera très bien. Et ça va te donner de la valeur dans ta belle famille. Après on a fait quoi? Pas que tu arrives. Anakuya. Il est arrivé. Baba yambo. Papa bonjour. Yambo sana bama. Bonjour maman. Comment vous allez? Mais il a notre dette. Il a la valeur. Non ça n'a pas de valeur. Dis-lui. Dis-lui. Moi je fais mes économies. Commencez à faire. Moi je les mambo. Terminer cette affaire là. Frère, moi je vais aller à vous là qui restez. Mais mon principe est dans mon principe, vous le voyez quoi. Toi, tu viens. Et parce qu'on a essayé. Il faut que tu na wan, tout. Na wan, quoi, ça, on quoi, ça, moins chaud, que tu me donnes. Vous leur donnez des marges, maintenant, ils commencent à rester endettés. Ça, c'est vrai. Mais Nikoy. Que Dieu nous aide, Église. La Bible dit malheur, c'est lui qui accumule dette sur dette. Oh, les quoi, ou les écoles, tu ne fais qu'ajouter des dettes. Ce sont des démons. Ces dettes-là ne vont pas t'amener dans la vie des Utakaso. C'est le moment de chercher la sanctification avec tout le monde. C'est alors que Dieu va t'aider. Si tu veux. Si tu pries Dieu, il va t'aider. Tu vas payer. Mais si tu as un cœur lourd, tu ne t'en fais pas. Dieu ne va pas non plus t'aider. Si ton cœur pleure, oh Dieu aide-moi. Que je termine cette affaire. Je me rappelle. Je prêchais ça. À Kitwe. Je suis parti à Lusaka. Le jour où je suis retourné, il y a un frère qui m'a suivi. Oh, serviteur de Dieu. La prédication que tu as faite. Mais j'ai terminé toute la dette. Après, là, je suis en train maintenant de chercher. Il a encore. Je suis terminé. C'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Comment on a pas. Si tu restes seulement. On a pas tembe. Tu ne vas pas avancer. Avancer avec Dieu. C'est quand Dieu parle. Tu saisis. On a tu agis conformément. On a tu saisis. On a tu agis conformément. Là, tu vas marcher avec Dieu. Donc, tu vas marcher avec Dieu. Ce n'est pas les chansons. Que Dieu nous aide. Amen. Je sens que c'est bon. Mais bien. J'ai bien prêché. Il ça c'est bien arrivé, ça a bien atteint la cible. Et attends, on a l'anda. Même si tu mentais, c'est bien, ça t'a atteint. Et tu que toi, amen. Dis amen. Et Dieu va t'aider. Frère, donc, nous n'avons plus de temps. Ni ça. C'est le moment. Attends, même quand je me suis en train de prêcher, je prêche. Tu l'as mis pour que moi aussi j'aille entrer. Mais si on bille, tu as moyen, vous pouvez ne pas qui. Je prêche pas pour que vous entrez. Moi, je veille là-dessus. C'est pourquoi il n'a pas choisi. C'est pour ça que je vous dis. Si vous me voyez avec une femme, vous êtes mal pressé. Ah pas coupé le musulman une fois. Mais t'as gagné sana. Je vais vite. Chikawa je ne traîne pas moi. Ça, ce n'est pas le moment de l'orgueil. Il s'agit de descendre, de baisser, de s'humilier. Quand ils étaient dans l'arche, pendant le temps de Noé, le lion s'était bien respecté là où il s'est trouvé. L'éléphant s'était bien respecté à son endroit. Tout ce qui était dans l'arche se respectait. Si nous commençons les querelles ici, on va nous mettre dans le danger. Ils ont vu le danger. Cette période, ranger les choses correctement. La parole qu'on nous donne, c'est pour qu'elle puisse nous retourner. Pour foi véritable. Quand nous adorons, quand nous sommes dans la parole de Dieu, nous vivons la parole. Ça, c'est la vérité, Église. Nous sommes beaucoup d'itaïaris. Nous sommes prêts. Il faut sacrifier Dieu pour la gloire de Dieu. Tout sacrifier. Nous n'avons pas d'autre temps. Église de Dieu, c'est le moment de se préparer. Une écriture il faut bien. Et cette écriture là me plaît. Je me sanctifie moi-même pour lui. Tu les regardes. Tu n'as même pas de faute. Mais non. Devant ton épouse, tu dois te sanctifier. Comment voisin, on a pas besoin de t'accaser. Tu dois te sanctifier. Comment Muko, on a pas besoin de t'accaser. Tu dois te sanctifier. Mukaji, dans ton travail, tu dois te sanctifier. Après, on ne peut pas que mon pas ne mette pas dans la même catégorie. Non, c'est le moment où les gens. Mais non, non, celui-là il est différent de nous. J'étais en train de prêcher à Kinsenda. Après la sortie, une sœur païenne est venue me dire, l'épouse de notre frère, ça ce n'est pas vraiment une belle sœur. Ça c'est une mère. Il n'est pas tant fier, ça m'a donné vraiment de la valeur. Ça m'a donné de la force. Disant que non, vraiment. Si tu t'amènes dans tes paroles, il y en a qui l'utilisent. Si toi tu t'amènes dans tes paroles, il y en a qui sont en train de la prendre. Ça, c'est une mère. Vous allez demander de l'argent. Tu vas vivre le grand. Tu verras seulement son épouse le tenir. Tu vas lui donner. Ça, donne-lui de l'argent. Tu es en train même de plaider. Mais toi, si on te donne, c'est seulement pour tes frères. Et là, ta mère, mais quand même, c'est ton Non, ça, ce n'est pas l'état pour aller au ciel. Les célestes ne sont pas comme ça. Que Dieu vous bénisse. Église de Dieu. Je sais que Dieu nous aime. Il veut nous sanctifier. Il veut que son église marche. La sainteté convient à ta maison. Cette église de Dieu. C'est l'église de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Ce n'est pas d'autre. Ne cherchez pas d'autre. C'est vous qui êtes les enfants. C'est vous qui avez les pensées. C'est vous qui irez au ciel. La Bible dit, Enoch, avant de monter, il avait un bon témoignage devant Dieu. Dieu a témoigné disant qu'il convenait. Si tu marches correctement, Dieu dit, il connaît nos cœurs. Si ton cœur est bon, le Saint-Esprit n'est pas loin. Enlève seulement les pierres d'achoppement. Le système de Dieu, c'est de vider toute sa bureauté pour que Yahweh aille. Enlève tout. Qu'il remplisse. Ne garde pas les mauvaises choses. Depuis les pensées, enlève tout ce qui est mauvais. Toutes les mauvaises paroles, enlève. Toi-même. Quand tu commences à prier, lui-même Dieu regarde. Vraiment, c'est vrai. Mon enfant, il voit. Il a un souci. De le plaire. De toi-même. Tu ne sauras pas. Si tu l'appelles, il est prêt pour exaucer. C'est pour ça qu'il a mis les yeux. Pour qu'il puisse entendre. Il a vu tes yeux. Il a vu tes yeux et il voit. Dieu est là. Tout cela qui va marcher correctement. C'est vraiment fait. La parole de Dieu va s'accomplir en tout. Il est fidèle. Et comme moi, ministre. Ce n'est pas un homme qui avait promis. C'est Dieu lui-même qui a promis. Il lui avait pas demandé de promettre. C'est lui-même. Dieu a remis penda. Et il vous a promis le ciel. Amen. Amen. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, mamie. Je m'arrête par ici. Nous allons continuer demain, Dieu voulant.